Est-ce que c'est un gouvernement ou une machine à manipulation qui est devant nous? Des surplus, il est équilibré, il reçoit toujours la cote 3A. Voici votre animateur, Jean-Philippe Vautier. Bonsoir tout le monde, merci d'être ici. Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps de nous remettre du premier budget Marceau. Fred Savard, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes pas mal affecté par le budget, vous? Ben, pas mal. D'ailleurs, j'ai tout sorti mes REER, je me suis acheté pour 8000 pièces de cigarettes, 12000 pièces de vin, puis j'ai mis le chauffage dans le tapis partout dans la maison. Ah ouais! Ça, c'est important. Faut pas perdre la chaleur avant que les tarifs augmentent. Ben non, ouais. Hey, moi, j'ai mis du mono partout. Ah. Hein. Les fenêtres, les portes. Puis une affaire le fun, le gaz n'a pas augmenté. C'est vrai, ce que je fais, c'est que je prends mon exhaust, je le mets dans ma fenêtre, je pars le char. Ah, ben oui. Hey. Ça dort bien. Ça dort bien. D'ailleurs, mon chien, ça fait 48 heures qu'il dort. Ouais. Puis c'est pas un dormeux. Hey, j'avais pas pensé à ça. Non, c'est pas pire. Non, non, c'est bien pensé. Mais là, c'est sûr que ça semble être un budget d'austérité. Mais là, il faut pas se tromper. Là. C'est que le gouvernement, là, il était surveillé d'assez près par la firme de notation Standard & Poor. Oui. Et on connaît le dicton. Hein, si tu respectes pas leurs standards, ben tu deviens poor. Oui. C'est un peu ce qu'ils disent. Hein, puis ouais. tu files pas mal maudit. Hein. Ouais, t'es maudit pas mal. Ça, c'est... D'ailleurs, justement, Françoise David, qu'on connaît, ouais, elle était en maudit. Ah, oui. Et qu'elle était en maudit. Non, elle a mal pris le budget. Oui. Ah non, elle a dit que c'était le budget des espoirs déçus. Ben c'est sûr, hein, quand on hausse les taxes des cigarettes, de l'alcool, là, ça frappe de plein fouet sa base électorale. Oui, ça c'est sûr. En autant qu'ils touchent pas aux potes pour au granola. C'est vrai. Hein, et on le souhaite. Puis à l'épilation au laser. Ça les concerne pas, Fred. C'est vraiment pas. Non, mais les autres partis d'opposition, ils en pensent quoi du budget? Ben je suis content que vous me posiez la question, Fred. Écoute, c'était la question qui était sur toutes les lèvres cette semaine. Comment a réagi Jean-Martin Hossan? Hein? Qui ça? Jean-Martin. Voyons, Jean-Martin Hossan. Parce que lui, je le replace pas, là. Ouais. Dans le fond, lui non plus, il se replace pas, je pense. Enfin. Non, je voulais dire l'opposition élue, là. Ah! Ben, François Legault, là. Puis l'autre monsieur, là. Ouais. De Québec solidaire, là. Françoise David. Mais non, on a parlé tantôt d'elle, là. Comment? Non, regarde, j'allume, là, le Parti libéral. Oui. Le chef intérimaire. Oui. Celui qui tripe sur la LNI. Oui, là. Il voit de l'improvisation partout, ce monsieur-là. Jean-Marc Fournel, je pense qu'il s'appelle. Le petit Fournel, voilà. C'est ça. Bon. Ben, sont tous contre le budget. Mais ils vont voter pour. Bon! Ben, fait qu'on n'ira pas en élection après la messe de minuit, finalement, là. Non, ça, c'est sûr. Et là, parlant de Noël, c'est pas un cadeau dans la bande de Gaza. Hein? Bon, c'est un petit lien boiteux, mais je trouvais que c'était important de le faire. Ça brasse pas mal fort. Hein? Oui, on a hâte que la bande soit au repos un petit peu, hein, franchement. Eh, bonne frère. Ouais. N'empêche qu'Israël, il va pas avec le dos de la mer morte. Hein? Bonne aussi. Merci. Bravo. Merci, on a travaillé très fort, celle-là. Non, il paraît même que l'agente 728 passe son congé sans solde là-bas. Ah ouais, c'est pour ça que c'est tranquille à Montréal. Oui, c'est tranquille, mais on va en profiter, hein, parce qu'ils sont sur le bord de nous la renvoyer. Ah ouais. Ah, ils la trouvent trop élevée. Ah ouais. Ah non, écoute. Hey, il y en a qui disent que le Mossad aurait déposé une plainte en déontologie contre elle. Ah ouais. Maudits artistes de la Palestine du nowhere, hein? Ouais. En tout cas, chapeau, merci Fred. En tout cas, chapeau. Non, mais là, on rit, mais chapeau aux journalistes qui couvrent le conflit là-bas sur le terrain. Honnêtement, franchement, chapeau. On leur lève notre kippa. Ah, vous portez la kippa, vous? Ouais, mais juste quand j'ai fret à la tonsure. Ouais, ben non. Parlant de kippa, ben il y a Michael Applebaum, hein, qui est le nouveau maire de Montréal. Oui. Ouais. Vous rappelez? Montréal, la ville de Montréal. Vous vous rappelez de ça? Oui. Ouais, alors, c'est pas celui qui a créé le conseil exécutif de coalition, hein? Exactement. C'est ça? Le premier conseil exécutif de coalition, ben, de l'ère post Gérald Tremblay. Oui. Personne ne s'en souvient de ça. Non, mais là, c'est composé, en fait, de plusieurs membres, de plusieurs partis. Alors, plusieurs membres de plusieurs partis vont pouvoir enfin faire affaire avec la mafia. Ah! Hein? Ça, je trouve ça le fun. C'est plus juste Union Montréal. C'est comme plus démocratique comme corruption. Je trouve ça le fun. À Laval? Ben, à Laval, il paraîtrait qu'ils vont mettre le dauphin de Gilles Vaillancourt à sa place. Ah oui, Flipper Vaillancourt. Non, il s'appelle Alexandre Duplessis. Ah. Beau nom, d'ailleurs. Ouais, mais ça. C'est d'ailleurs la seule affaire qui n'a pas été perquisitionnée par l'UPAC. C'est vrai? Okay. Ouais, non, c'est la seule. Il était seul, il criait, pour petit. Venez me chercher. Prenez-moi. Mais heureusement, nous, nos invités n'ont pas été perquisitionnés. Oh non. On reçoit d'abord Guy Fournier, hein, ancien président du CA de Radio-Canada. Oui. Bravo. On est très content de le recevoir. Un amant de la radio publique. Oui, ben, oui, ainsi que de plusieurs femmes au Québec. C'est ce qu'on a raconté. Hein. On a également Guillaume Wagner. Oui, et que plusieurs femmes aimeraient avoir comme amant, il paraît. Oui, sauf une. Mais on la nommera pas. Ben, hein? Pas tout de suite. Non. Mais on va attendre. On a le temps, hein, parce que la soirée est encore jeune. Hey, merci d'être à l'écoute de la soirée. Olivier Niquette, les internets, s'il te plaît. Ben oui, les gens peuvent nous suivre au twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune, et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée, où vous pourrez voir la belle affiche de notre émission spéciale de revue de l'année. Oui, tout à fait. On va enregistrer une spéciale de fin d'année. C'est vendredi le 21 décembre. C'est en après-midi au bar chez Roger de la rue Beaubien, que vous connaissez. Oui, le bureau à Fred, évidemment. Des chroniqueurs, des invités de marque qui ont fait l'actualité cette année dans une émission de 2 heures. Vous êtes évidemment les bienvenus. Tout à fait. Ah oui, hey, grosse semaine d'actualité encore une fois. Hein? Oui. Avez-vous suivi cette grosse semaine? Tellement qu'on n'a même pas parlé de Karine Vanasse, hein, qui vient d'avoir un rôle dans 30 vies de Fabienne Larouche. Oh boy! Ouais. Passer de Paname à 30 vies, c'est une méchante poche d'air, ça. Oui, c'est ce qu'on appelle un atterrissage forcé. Hey, on apprenait cette semaine qu'un film de fesses inspiré de l'œuvre de Matricule 728 avait été tourné, hein, et allait bientôt envahir les clubs vidéo. C'est pas une blague. Toujours à l'affût, évidemment, d'une bonne blague de fesses. Là, ça nous a inspiré notre palmarès hebdomadaire. Alors, voici donc 5 autres suggestions de films de foufoune inspirés de l'actualité. En 5e position, Un dernier tango à Laval. Gilles Vaillancourt s'enfile les contribuables de sa ville pour oublier les nombreuses perquisitions à son domicile. Ah, ça va être très bon, ça. En 4e position, Jean Barbe, la louve des SS. Un blogueur d'un empire médiatique se retrouve seul dans un camp de la mort après avoir insulté ses supérieurs. Seul, sans prisonnier ni bourreau, sauf lui-même, il mourra d'ennui dans l'indifférence totale. Ben, hey! C'est pas érotique pantoute, ça! Non, mais pour ceux qui l'aiment pas, oui. En 3e position, Tony Gula, la vie décadente de l'empereur Tony Accurso sur son yacht alors qu'il s'enduit de fonds publics en compagnie de fonctionnaires et de ministres. Ah! Ça finit comment? Ça finit pas, ça dure tout le temps. 2 firmes en or. Des cadres de SNC-Lavalin corrompent la vertu de princesses arabes et laissent couler leur barrage. Ah! Ça va être bon. Ça va être... Et en première position, Gorge profonde. Une jeune femme avale le déficit québécois, mais ce sont les créanciers qui jouissent. Ah, mon Dieu! Ça va en prendre des Kleenex? Oui, papin. Merci. Notre premier invité, là. Après avoir marqué la télévision avec des séries cultes dans les années 70 et 80, il revient sur les lieux qu'il a présidés dans les années 2000 avant de faire défection vers l'Empire québécois. Voici M. Guy Fournier. Monsieur Fournier. Eh bien, quel bonheur de vous recevoir ici. Merci, M. Lagu, j'aime beaucoup ça. J'ai besoin de la seule chose, je ne savais pas que ça passait ben le soir. Ben non, vous vous trompez. Je la regardais le matin d'habitude. Ben oui, vous vous trompez, on fait de l'humour ici. Bienvenue à Radio-Canada. Bienvenue à Radio-Canada. On va avoir une réunion, mais ça. Est-ce que vous voulez une bière? Non, merci. Pas de bière? Non, merci. C'est d'usage, normalement. Ben, pas de bière. Ah non, c'est offert par la Société d'État. C'est pas vrai, on a une commandite. Vous connaissez la place, vous, hein? Un peu. Oui? Un peu. Oui, je l'ai pratiqué. Oui, c'est ça. Non, mais ça m'arrive parfois de lire vos chroniques dans le Journal de Montréal. C'est bon, ça. Et ça m'arrive parfois, assez souvent, de me rendre compte que vous n'êtes pas bien fin avec Radio-Canada ce temps-ci. Pas. Oui. Effectivement. Oui, effectivement, quand on y pense. Effectivement, des fois, j'ai un peu de peine. Je me dis, des fois, il faudrait que je sois plus fin que ça. Ben, c'est ça qu'on se dit, mais comment ça se fait que vous êtes pas fin? Mais je vais en parler de votre émission, c'est très bon, votre émission. Oui, OK, ben, ça c'est une très bonne affaire. Alors, toutes mes questions chiennes... Vous n'êtes pas M. Lagu, là, vous? Non, moi, je suis pas, encore une fois, je suis pas M. Lagu, je suis M. Vautier. Vous êtes moins bon. Ben, en fait, on est plus jeunes. C'est ça, l'affaire. Mais après l'enregistrement de cette émission-là, l'enregistrement de M. Lagu, c'est juste à côté. Est-ce que je peux savoir comment ça fait que vous êtes aussi à Télé-Québec? Ben, vous savez, quand on est financé par l'État, on l'est pas à peu près. Ben oui, ben, je vais essayer... Financé par le fédéral, financé par le provincial. Vous êtes un peu puté, dans le fond. Ben, moi, voulez-vous que je vous dise, c'est comme ça que les grands talents ont commencé. Vous avez commencé comme ça, je me trompe pas. Ben oui, c'est ça qu'on dit. Fait que j'imagine qu'avec l'âge, je vais être un petit peu plus amer, puis je vais faire les chroniques dans le Journal de Montréal. Il y avait un peu de sexe aussi quand j'ai commencé, tandis que vous, ça a l'air... C'est pas drôle, ça. Le sexe, ça vient plus tard qu'on me dit, non? Oui, mais avant le temps, je t'en ai pas trop parce que plus tard, c'est moins intéressant. Disons que. Ben, c'est donc bien le fun, t'es conseillé. Mais plus tard, ça vient moins vite. Ben, je suis assez content qu'on l'ait reçu, là, M. Fournier. Non, mais là, vous allez me dire quelque chose parce que je vous le dis, là, je lis les chroniques, je vois les critiques contre Radio-Canada et est-ce qu'il y a une relation amoureuse avec cette boîte-là? Ben, je pense qu'avec n'importe quelle télévision publique dans n'importe quel pays du monde, il y a toujours une relation amoureuse avec sa télévision publique. Supposons que vous étiez PDG de Radio-Canada. Vous feriez quoi, le premier geste à faire dans Radio-Canada? Premièrement, j'essaierais de rendre Radio-Canada plus efficace parce que mais je ne blâme pas Radio-Canada d'avoir beaucoup de gens improductifs, d'avoir trop de chefs, trop de sous-chefs et pas assez d'Indiens parce que c'est le lot de beaucoup de télévisions publiques. C'est le même problème à la BBC en Angleterre, même si on a coupé de moitié les cadres, il en reste encore un grand nombre à couper. Disons, j'essaierais de rendre Radio-Canada plus productif, plus de façon à ce que tu te retrouves avec plus de choses à l'écran. Ben, c'est justement, vous me parlez d'efficacité. Je trouve ça intéressant parce que dans votre chronique de cette semaine dans le Journal de Montréal, j'ai vu que vous aviez appelé Louis Lalande, qui est vice-président français, pour vous aider à enlever les sous-titres dans Unité 9. Ça, à mon avis, c'est de l'improductivité. Je pense. Alors là, j'ai décidé de regarder Unité 9 sur Tout TV parce que là, ça y est pas. Ben oui, vous regardez pas mal ça sur votre iPad, vous. En fait, je regarde presque toute la télévision sur l'ordinateur et sur mon iPad. Ouais. Bon, ben, ça veut dire que... Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Voulez-vous que je vous dise pourquoi? Ben, oui. Parce que, tu sais, on a l'impression que la télévision, c'est plus le fun sur un très grand écran. Moi, je vous dis une chose. Soyez-vous dans votre lit le soir, prenez votre iPad, regardez la télévision. Tu as l'impression d'être tout seul avec ta télévision. Tu n'es pas dérangé par ordi. Tu n'es même pas dérangé par ta femme. Parce qu'elle aussi, elle regarde son iPad. Ça, c'est brillant. Ben oui. C'est brillant. Puis avoir Guylaine Tremblay proche d'en face de même le soir en se couchant, ça, c'est quand même le fun. C'est bizarre parce que tu réalises qu'au fond, à part les sports, tu n'as pas besoin d'un grand écran. Alors, ça, c'est tout à fait vrai. Mais pour l'espace, c'est un peu. Quand tu ne vois pas la rondelle. T'as besoin. De toute façon, il n'y a plus d'hockey, fait qu'il n'y a pas de problème. Mais justement, avec les sous-titres ou avec la narration, ils peuvent vous le dire, tu sais. Ouais. La rondelle est rendue, enfin. Ouais. Dernière question. Est-ce que je me trompe ou vous préparez une biographie? C'est-à-dire que ça fait 5 ans que je prépare une biographie. Je vais être très frais. Et justement, mon éditeur qui m'a envoyé un courriel un peu fâché. Un peu fâché. Mais oui. Aujourd'hui même. C'est que j'ai 95 pages décrites en 5 ans. Ça va pas vite. Mais c'est peut-être juste ça, votre vie aussi, 95 pages. Des fois, on essaie d'en faire trop. Ça se fait. Puis même ces 95 pages-là, je me dis, est-ce que c'est vraiment intéressant? Tu comprends? Mais moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est quand ça va être fait, cette affaire-là. Ouais. Est-ce que vous allez en faire... Est-ce que vous allez être bon? Oui! Mais là, je disais pas. Ça va-t-il être intéressant à aller? Et deux, est-ce qu'on va pouvoir en faire une télésérie? Ça, un court-métrage, peut-être? Non. Non, moi, je verrais plus j'ai à TV. J'ai beaucoup d'offres sur faire une télésérie sur ma vie sentimentale. Et j'ai une suggestion. Mais j'attends de... Je leur ai dit, attendez que je bats. Ah ouais? Ouais, ben, ouais. Bon, on en va attendre. Mais, ça sera pas long. Mais moi, j'aurais une suggestion pour le réalisateur. Oui. Claude Fournier. Hey, il est dans une biographie télé, là. Je sais pas si vous avez vu Félix Leclerc. Oui, c'était bon! Ouais. C'était bon. Mais en tout cas, pensez à ça, là. Oui, non, c'est une bonne idée. OK, mais faut-tu vraiment attendre que vous mouriez? J'aimerais ça que vous me serviez d'intermédiaire parce qu'on se parle pas souvent. Arrêtez donc, c'est vrai. Oh, ben je vais faire ce job-là. En fait, je vais vous donner son courriel. J'ai le numéro de Daniel Lavoie. Il doit encore avoir le numéro de Claude Fournier. Ça m'étonnerait. Oui, c'est ça. Vous restez avec nous, M. Fournier. On va recevoir Guillaume Magnan dans quelques instants. On va pouvoir continuer de parler de comment cruiser puis cette affaire-là. Oui. Hein, par avoir du sexe à Radio-Canada. Bon, c'est vrai. Ça, ben, j'ai des idées là-dessus. Oui, justement, je me cherche des places, moi. Ouais. Vous avez vu Vincent Gouzeau, là, des cinémas du même nom, a effectué une sortie cette semaine pour inviter nos cinéastes à recommencer à faire des films que le monde va le voir. Hein? Alors, ça nous a donné le goût de lui faire une belle petite publicité gratuite pour sa chaîne de salles de cinéma. On écoute. Salut, c'est Vincent Gouzeau. T'as compris Fuck All à Lawrence Everydays? Toi ici, tu trouves qu'il a passé le film de hockey? Mets ta Switch à off puis viens roter du Pepsi au Cinéma Gozo! Cinéma Gozo! Dans mon livre à moi, là, cinéma, c'est pas pour se lamenter, c'est pour avoir du fun! Une histoire de prof d'école terroriste, pas le fun! Des Dalmatiens qui jouent au basket, ça c'est le fun! Cinéma Gozo! C'est pas compliqué! Ici, t'as juste des films de manger de popcorn! Laisse faire les subventions! Moi, mes vues, ils coûtent pas une scène aux contribuables! J'ai une truc, sont faites aux States! Cinéma Gozo! Les soirs pis les week-ends, viens encourager les jeunes talents du cinéma québécois. C'est tous eux autres qui savent ton manger. Cinéma Gozo! C'est Vince qui te le dit. Chez Cinéma Gozo, le cinéma, c'est pas le 7e art, c'est le 2e. Pis le premier, c'est faire du cash avec toi. Oh, qu'on a hâte d'avoir les prochains films. Non. M. Guy Fournier chiale parfois contre Radio-Canada, ce n'est certes jamais contre notre grand journaliste Jean-Sébastien Girard qui, toutes les semaines, parcourt le monde pour dénicher l'information dont on ne peut se passer. Jean-Sébastien, bonsoir. Ah, bonsoir, mon bon Jean-Philippe. Comment allez-vous? Ça va super bien. Ça a super bien été avec M. Fournier. Ah oui, étonnant. Il aime beaucoup notre émission, mais il pense que c'est à la semaine prochaine. Tablette. Oui, vous êtes où, là? Mais je suis présentement à la place Bonaventure de Montréal. Vous le savez probablement, où se tient le salon Vivre en solo. Oh. Donc, un salon pour les célibataires, pour les vieux garçons, les vieilles filles. Ça a débuté aujourd'hui, Jean-Philippe, et ça se poursuit jusqu'à dimanche. Kiosque, activité, conférence. C'est ben le fun. Alors, tout au long de l'émission, je vous présente des petites trouvailles pas piquer les verres. Et je commence avec Madame Tina Carr, qui va donner à quelques reprises au cours du salon un atelier, attention Jean-Philippe, sur l'art de porter des talons hauts. Ah, ça, j'ai Madame Carr, Madame Carr, bonjour. Il y a une collègue dans le bureau à moi qui me dit « Je suis beaucoup trop massive de l'arrière-train pour porter des talons hauts. » Ma question, est-ce qu'effectivement, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas porter de talons hauts? Est-ce que les pougresses devraient s'abstenir? C'est comme si on disait que c'est un éléphant, un brebis. Non, c'est pas, ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire qu'il faut choisir la chaussure en fonction de sa morphologie. Alors, si on est un peu plus pesante, on va chercher un talon un peu plus large. Si on est très, très mince et très longue, on va peut-être choisir un talon plus court. Donc, je pense qu'il faut faire une adéquation entre notre apparence et effectivement, la morphologie du talon lui-même. Alors là, maintenant, vous m'avez fait essayer un talon haut que j'ai essayé pour les auditeurs. Ah oui, vous avez alors, c'est ça? Oui, c'est très joli. C'est un joli stiletto de Charles Jourdan, fait à Paris, avec un talon de 4 pouces et demi, tout en pièces de Suède. Alors, je marche avec présentement. Est-ce que c'est un soulier qui me fait bien, Madame Carr? Quelques petits ajustements du bassin, parce que pour l'instant, on voit quelques raideurs. Ben, comme ma collègue, je suis très massif du bassin. Et là, ici, j'ai l'arche du pied où il y a un grand espace. Est-ce que c'est sexy? Les hommes trouvent que ce petit trou-là est très sexy, comme autant le petit muscle du mollet. Les Vénères appellent ça la petite souris. Donc, il y a des petits comme ça, petits points de repère pour les hommes qui, effectivement, trouvent ça assez joli. Bon, alors, écoutez, Jean-Philippe, je poursuis ma visite du salon en talons hauts. Je me sens aussi pas folle que Julie Snyder dans ses belles années. Je vous reviens dans quelques secondes avec d'autres trouvailles. Et notre collègue vous remercie. Hein? Ben, ça me fait plaisir. Ben, c'est parfait. Bonjour, Marie-Claude. Oui, c'est parfait. Eh ben, qui es-tu drôle, ce gars-là? Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Potier sur la première chaîne de Radio-Canada, une émission budgétée pour générer des surplus de drôles. Eh bien, mesdames, il n'est plus célibataire, malheureusement. Non, désolé. Mais n'hésite pas à défendre la veuve et l'orphelin. Fred Savard? Oui. Écoutez, je vais m'abstenir de commenter le premier budget Marceau cette semaine afin de ne pas être le 307e chroniqueur à le faire. Et même si je l'avais fait, mes brillantes réflexions se seraient probablement perdues dans le magma médiatique qui est monopolisé par une poignée de voix, à peu près toutes masculines, comme nous l'apprenait Stéphane Baillargeon dans Le Devoir cette semaine, lui-même exclu des 307 chroniqueurs les plus en vue du Québec. Il décortiquait la compilation de la firme Influence Communication qui s'est penchée sur le taux d'exposition médiatique de nos donneurs d'opinion québécois. Bon, on y apprenait que Claude Poirier est en tête de liste des individus qui donnent le plus leur opinion en combinant radio, téléjournaux et Internet. Dans le cas de Poirier, là, ça équivaut à 7,4 heures par semaine en moyenne. C'est énorme, là, 7 heures. C'est une journée complète à entendre Claude Poirier, imaginez ça. Richard Martineau vient en deuxième. Ça, j'ai de la difficulté à le croire parce que Martineau nous donne l'impression d'être loin devant Poirier tellement il est omniprésent, mais probablement qu'on a seulement comptabilisé ses interventions où il prétend être victime d'intimidation. Parce qu'au total, ça fait 65 heures. Ouais, okay, okay, ouais. Et en troisième place, on retrouve Mario Dumont. Une position naturelle pour lui, lui qui était pas mal troisième quand il faisait de la politique au sein de la CAQ 1.0. Étrangement, depuis la publication de cette compilation, on m'arrête régulièrement dans la rue. C'est arrivé trois fois, en fait, deux fois ma mère, pour me demander si j'aimerais un jour atteindre ce podium de l'exposition médiatique. Voilà une question difficile à répondre. Bon, évidemment, j'aimerais avoir le salaire de ces messieurs, mais en même temps, j'aurais sûrement la difficulté à devoir faire semblant de faire partie de la classe moyenne en gagnant 540 000 $ par année. Ouais. Ça prend un talent particulier pour faire croire aux gens que vous parlez en leur nom alors que vous faites 12 fois leur salaire. Ouais. De l'extérieur, ça peut avoir l'air grisant d'être surmédiatisé, d'être une vedette de l'opinion publique, mais c'est un leurre, mes amis. La pression est énorme. Le surmenage nous guette. Les gens ignorent peut-être que Claude Poirier a probablement une élocution à faire pâlir d'envie Sophie Fauché quand il n'est pas derrière le micro, mais la pression de sa surmédiatisation fait peut-être de lui une espèce de dyslexique de la rubrique des chiens écrasés. Okay. Le métier de chroniqueur est dangereux, car en étant surexposé, on devient la cible de bien des jalousies, comme nous l'a démontré si bien Jean Barbe cette semaine, alors qu'il y allait d'une charge contre les vedettes d'un certain cénacle, composé d'Alain Dubuc, André Pratt, Richard Martineau et Christian Dufour, qu'il vilipendait pour leur critique du budget Marceau dans son blog au Journal de Montréal. Barbe terminait son brûlot par une une phrase assassine de la plus haute noblesse intellectuelle. Écoutez ça, je vous la cite. Vous me faites penser à ces prisonniers dans les camps de la mort qui acceptaient pour un peu de viande de faire la police auprès des leurs sur les frontons des camps chip-chip. Il était écrit « Le travail rend libre ». Le chip-chip, c'est ma contribution personnelle. Ouais. Voilà le prix à payer pour être surmédiatisé. Soit qu'on est attaqué, soit qu'on dit des niaiseries. Malheureusement, Barbe ne sera jamais probablement surmédiatisé puisqu'il a été remercié de ses services de blogueur chez Québécois après ce texte. Mais je fais confiance à Québécois pour nous dégoter un autre gauchiste utile pour nous faire croire qu'il ne penche pas toujours à droite. C'est très lourd à porter. Non, mais c'est très lourd à porter la surmédiatisation. Oui. Et heureusement, un homme de la sagesse de Guy Fournier n'y a pas succombé, bien qu'il aurait très bien pu après avoir révolutionné le téléroman québécois dans les années 70 et 80. Là, je prends l'habitude que j'ai pris avec M. Mongrain d'encenser nos invités quand j'en ai vraiment envie. Parce qu'il y a des semaines, ça me tente pas du tout. Rappelons-nous de la série culte Jamais deux sans toi, portée à l'écran à la fin des années 70 et qui mêlait habilement machisme, le machisme de Rémi et le féminisme de... Ben voyons. Madame Coutu, son personnage. Francine, voilà. Voyons, j'étais pas vieux. Non, mais j'étais pas vieux. Puis j'étais un X. Fait que imaginez les Grecs ici qui ont de l'écume autour de la bouche en entendant parler de ces histoires. C'était un X, mais t'as vieilli vite. Non, mais pas tant que ça. Mais non, mais Jamais deux sans toi avait aussi l'avantage que pour la première fois, je crois, on nous présentait un personnage homosexuel qui sortait de la caricature habituelle. Monsieur Fournier, je pense que. Il y avait chez Denise, il y en avait un personnage, mais c'était une caricature. Guy Fournier était un peu le Régent Tremblay des années 80, mais moins les scènes salaces. Cela dit, j'ai pas vu dans ses comptes 28 le retour du champion avec Dave Morissette dans le rôle d'un goon gay qui tombe en amour avec une gourde d'eau. J'ose espérer qu'on y voit moins de 5 à l'habitude. Vient ensuite, sous la plume de notre invité, une autre série culte, Peau de banane, une sitcom avant la lettre... qui nous révéla les talents de comédien d'Yves Corbeil et de Louise Deschâtelet, chose qu'on ne soupçonnait pas. C'est également dans Peau de banane que Marie-Soleil Touga fut révélée au public québécois. Pour les plus jeunes, sachez que Marie-Soleil Touga était la Véronique Cloutier des années 80, mais décédée. C'est vrai. Monsieur Fournier, vous aviez une feuille de route qui aurait dû vous propulser au sommet de la surmédiatisation, mais votre sagesse vous en a prémuni, j'ose croire. Vous avez plutôt choisi de chroniquer sur Radio-Canada, comme on disait tantôt, de façon, je dirais, peut-être confidentielle dans les pages du Journal de Montréal. Et je sais que vous le faites pour nous aider à nous améliorer, pour que nous puissions nous dépasser afin d'atteindre les standards de qualité de votre BBC adoré, mais avec 3,5 fois moins de budget per capita. Pour tout cela, je vous remercie. Et c'est pourquoi je résisterai aux sirènes de la surmédiatisation pour rester dans l'anima relatif que m'offre Radio-Canada. Merci. Ben merci, hein. On va retourner discuter avec Jean-Sébastien, là. Qui est trop vieux. Il est trop vieux pour moi. Il y en a plein de jeunes ici. Olivier, pas très vieux. Jean-Sébastien. Jean-Philippe. Ben oui, c'est encore moi. Ben voilà. Donc, je suis toujours au Salon des célibataires à la place Bonaventure, toujours en talon haut, toujours à la recherche de curiosité. Et là, je viens de tomber sur le kiosque de Mme Céline Jacques, qui nous offre un gros bargain ici au Salon. Pour 5$, elle peut répondre à une question sur notre avenir amoureux ou sur tout autre sujet de notre choix. Bonjour, Mme Jacques. Bonjour. Alors là, vous allez me dire comment vous vous y prenez pour répondre à nos questions. Vous avez un jeu ici sur la table qui s'appelle le jeu Vision. Bien plus simple. La personne n'a qu'à poser la question d'une façon particulière sur une décision à prendre ou sur un désir qu'elle a pour savoir si elle va se réaliser. Posez la question comme si un oui serait ce que tu souhaites entendre et on va avoir le oui ou non si c'est vraiment le cas. Wow. Alors, on va y procéder dans quelques secondes. Mais avant, aussi, à partir de la date de naissance de quelqu'un, vous êtes capable de prévoir un peu son univers amoureux. J'aimerais qu'on parle justement de Jean-Philippe Vautier, né le 14 novembre 1979. Ouais. Ben là, tu vous dites ça tout le monde. Est-ce que sa vie amoureuse va se stabiliser une bonne fois pour toutes ou s'il va continuer à abuser de sa petite face crasse encore bien, bien longtemps? Il y a des grosses chances d'abuser beaucoup de sa petite face crasse. Et puis, pourquoi pas? Il y a vraiment la séduction qui lui appartient. Il y a tout. Et non? Mais ça fait juste un temps, ça, madame. Ah, oh, mais écoutez, je vais vous dire qu'il y a un paradoxe chez lui. Ah. Okay? D'une part, son chemin de vie, c'est d'être venu ici partager l'amour. OK? Par contre, il a un 14 qui fait 5 comme jour de naissance, qui se veut garder libre, indépendant et sans attache. Donc, c'est un paradoxe dans sa personnalité. C'est cœur. Mais cette année, ainsi que l'an prochain, il est sur des coquineries dans lesquelles, oui, l'art de séduire, de plaire, de s'attirer les bonnes grâces de l'agence féminine, il va être très, très porté là-dessus. Puis, okay. Je vous dirais que ça va être un petit peu compliqué. On peut-tu arrêter ce qu'on dit? Dans son année de l'école, on n'ira pas tellement qu'il va avoir de travail. Sacré votier quand même. Alors, j'aimerais maintenant qu'on joue à votre jeu. Moi, j'aurais une question sur la vie amoureuse de Guy Fournier. Je veux savoir, rétrospectivement, est-ce que M. Fournier a bien fait de domper la belle Louise Deschâtelet ou s'il n'a pas plutôt jeté ses choux gras? Qu'est-ce que je fais maintenant pour avoir la réponse? on va piger une carte. Okay. Sauf que la carte que vous allez piger, c'est votre perception de la situation. Vu que c'est pas lui qui peut piger la carte, non, c'est votre idée que vous faites de la situation. Parfait. Alors, je pige une carte avec ma main gauche. Voilà. Oh mon Dieu. Il n'a pas pris vraiment le meilleur choix. Oh, tcha, M. Fournier. Ça va mal. Ça va bien mal. Madame Jacques-Sonville, pour créer votre jeu, qu'est-ce qu'on fait? On fait édition, trait d'union, CélineJacques.com. Et vous allez avoir des témoignages par centaines et centaines de gens qui capotent sur mon jeu. Ah, merci ben beaucoup, Madame chose. Jacques. Alors, en talons hauts et avec le jeu de Madame Jacques, je m'en vais parcourir encore le salon à la recherche de belles trouvailles. Hey, ben, vous la remerciez pour moi. Hein? Ça me fait une belle réputation. Merci beaucoup. Ben oui, c'est ça. Fred, notre deuxième invité. Jeune humoriste en ascension, il séduit les jeunes femmes, les amateurs d'humour cinglant et un peu moins les matantes. Voici Guillaume Wagner! Hey! Guillaume Wagner, une bière, Guillaume? Non, vous donnez donc bien du trouble, votre émission. Vous êtes au courant que les auditeurs, ils voient pas tout ça, là. T'sais. Ben non, je le sais, mais on essaie de donner une ambiance. Puis ton veston. Je vais vous aider, mais au lieu de passer de bière, passez-y donc un peu de cheveux. Ben, regarde, ouais, c'est cool, ça. Parce qu'en même temps, c'est à moi, ça. C'est à moi, ça. C'est beaucoup non, à toi. Mais Guillaume, Guillaume, ce qui se passe, je trouve que ce qui se passe devant public, ça vaut la peine. On en entend beaucoup parler. Ça me fait penser à une affaire que t'as faite récemment, toi, d'ailleurs. Ouais, dis donc. Je sais où tu t'en vas. On n'abordera pas ça tout de suite. Non. Okay, non. En fait, ce qui m'intéresse, c'est que, okay. Guillaume, t'as été longtemps un humoriste de la relève. Maintenant, tu viens de commencer avec ton premier one-man show. Oui. Et donc, t'es devenu un humoriste professionnel. Oui, officiellement, quand tu fais un one-man show, ça a l'air que t'es professionnel. Ouais. Tu fais les mêmes jokes devant le même monde. C'est ça. T'es comme déjà rendu un peu has-been, genre. Ah ouais, déjà? Ben, non, mais je veux dire, c'est déjà rendu has-been. Ça va vite, hein? Ben, ça va très, très vite. Mais là, la vraie question, c'est que t'es rendu riche. C'est ça, l'histoire? Non, malheureusement, ça, c'est pas encore... Non, ça, pour être riche, il aurait fallu que je dise oui à tous les quiz qu'on m'a offerts. C'est toutes vrai? Les, non, j'ai pas dit oui. J'ai pas embarqué. Non. Fait que la pauvre. Les pâtes de Québec, c'est moins payant qu'ailleurs. Faut faire deux jobs pour arriver. Ouais, je vois ça. Je vois ça. Mais Guillaume, évidemment, on a beaucoup, beaucoup parlé de ton spectacle récemment et particulièrement ouais, à cause de l'affaire. Du spectacle, l'affaire Tibert, qu'on appelle. Ah ouais? Il paraît-il que t'aurais fait une joke qui a mal passé. Ben, il paraît parce que tous ceux qui se sont prononcés dessus ne l'ont jamais vu. Exactement, exactement. Mais en même temps, tu t'es excusé, fait qu'on imagine que c'est vrai. Ouais, il y a ça. Ben, c'est pour toi que je dis ça. Mais ça fait quelques temps quand même que tu le dis, tu souhaites passer à autre chose. Oui. Fait que c'est-tu là que ça se passe? Non. Ou on en parle quand même? Non, on va en parler un peu. Pour faire un album, quoi? La chanson? Mais là, on en parle. Est-ce que vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé avec... oui, vous êtes tous au courant, M. Fournier. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé? Ouais, tout le monde est au courant? Ouais, quoi, tout, moi. Non? Ben, vous demanderez à Marie-Hélène Thibert. Ouais, elle est au courant. Ouais. Non, mais on a l'impression que tout a été dit dans cette histoire-là, mais la vraie question qui ressort après, ça fait quand même une couple de semaines, là. Est-ce que... Un mois pile? Ah ben, M. Fournier est au courant. Ça passe vite, hein? C'est fou de même, hein? Ça n'a pas passé si vite que ça. Traiter quelqu'un de pas beau, là, boum! Ça passe tout de suite dans... Ah ouais. Ouais, ouais. La vraie question, c'est... c'est une maudite bonne affaire, finalement, ça, ou... Si c'est une maudite... pas tant que ça, non, je te dirais que... mais peut-être, je sais pas. En fait, ça a fait en sorte que, comme tu disais tantôt, je suis passé... Tout d'un coup, j'étais devenu un humoriste. Mm-hmm. Là, les gens, ils acceptaient que j'étais un méchant humoriste. Oui. Mais j'étais un humoriste. Mais c'est ça. Mais moi, ça m'a fait découvrir bien les choses. Ben, j'avais une question pour Guillaume. Est-ce que vous allez avoir un retour d'impôt? Non, moi, j'ai rien fait. C'est pas moi qui est supposé avoir le retour d'impôt. C'est le fun de parler d'une joke qu'on n'a pas dite. Oui, on la cite pas, c'est le fun. Non, mais est-ce que tu pourrais la dire ou non? Non, je peux plus la dire. Officiellement, je peux plus la dire. C'était une petite blague un peu osée là, sur le fait de faire des affaires avec Mademoiselle et avoir un retour d'impôt. Oui. Enfin, on s'attardera pas là-dessus. On est en période d'austérité, alors les retours d'impôt, faut plus y compter. Pour tout le monde. C'est ça, l'histoire. N'empêche, Fred Savard, ici, est allé défendre ta position à l'émission Bouillante Culture, contre Denise Bombardier, d'ailleurs. Oui, j'ai écouté ça. J'ai pas tout à fait défendu ta position. Fred, vous aviez dit... Vous avez dit que Guillaume avait le droit de faire des blagues comme ça. Oui, la seule les affaire, c'est que ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'était juste une joke. Faut juste y penser avant. C'est ouais, c'est ça. Moi, je trouvais sincèrement... Marie-Hélène Thibert est inoffensive. C'est une chanteuse. On s'en sait. Oui. Non, mais c'est sûr. Mais c'est... Je trouve que l'humoriste devrait... L'humoriste devrait remettre en cause les gens qui ont du pouvoir dans notre société. Et j'ai échoué avec vous, Monsieur Wagner. extraordinaire. Je vous vois. Ben, j'enseignais à l'école de l'humour. Moi, j'enseignais oui, à Lyon. C'est vrai. Ouais, un cours qui s'appelle l'humour et société. Raté ton coup. Ouais. Totalement. Mais j'ai arrêté d'enseigner. Vous avez arrêté d'enseigner? Ah ouais, mais moi, je pense pas que l'humour s'enseigne. Tu l'as ou tu l'as pas. Et d'ailleurs, on salue l'école de l'humour qui fête ses 25 ans. C'est super. Je fais pas partie du show du 25e, non, c'est pas grave. Non, ah non, okay. Mais, ça, c'est vrai, ben oui. Non, mais en fait, moi, je suis pas d'accord avec toi. Marilyn Tybalt, ça représente un symbole oui. de ce qui est Star Academy, oui. La puissante machine de pousser oui. Quelqu'un qui n'est pas nécessairement... qui ça va un peu plus vite que prévu, finalement, oui. pour cette personne-là. Oui, ça va vite. Mais bon, c'est sûr que c'est pas... Je pense que ça ralentit. Oui, ouais, ça brique sec. Ça brique sec. Je ne me prononcerai pas. Non, non, mais avant ça... Non, mais n'empêche, on va arrêter de parler oui. de ça. Ben oui. À fin de l'histoire, vous êtes, je vais te tutoyer. Ça te dérange-tu? Oh. Je te tutoie depuis tout à l'heure. Tu t'es excusé. Ça fait quand même drôle, ça fait tutoyer à Radio-Canada. Ouais, non, hein, mais je vais vous dire, Wagner, Vautier, on est comme c'est les vrai, deux W. C'est vrai. Les deux W. Puis en même temps, il est plus jeune que moi. Fait que tu sais... Ouais. Moi, j'ai ça tantôt. C'est Vournier. Comme W ou bien oui, ça fait. Non, mais là, maintenant, tu t'es excusé. Hein? On n'entend plus cette blague-là dans ton spectacle. Non, mais on l'a jamais autant entendu. Oui, c'est ça. Depuis que je me suis excusé. Mais là, après s'être excusé, après être revenu un peu sur ses propos, est-ce que ça serait pas mieux de changer le titre de ton spectacle? Genre comme, ça s'appelle quoi, cinglant? Ça pourrait être comme quasiment cinglant. Hein? Ouais, cinglant entre parenthèses. Ouais, c'est ça. Comme, ouais. C'est ça. Ou genre, cinglant? On change pas le titre, non, c'est juste l'intention. Cinglant? C'est bon, on va le garder, ça. Ou sanglant? Sanglant? C'est sanglant non, aussi. C'était, bon, c'était sanglant. Ouais. Anyway, t'as eu de très, très bonnes critiques. Pour ton show, il y a Éric Clément dans la presse qui a dit « Son humour est cinglant et désagréable comme une journée de témoignage à la commission Charbonneau. Ah. » Ouais, quand même, hein? C'est un compliment? Ben, je sais pas, c'est pas clair. Les billets doivent se vendre. Quand tu dis ça, après, on va appeler, c'est comme la commission Charbonneau. C'est ça. C'est-tu vraiment comme la commission Charbonneau? T'en entends pas mal parler, mais tu y vas pas, nécessairement? Ou... Non, les gens viennent quand même. Ouais, ouais non, ça va bien là-dessus. Et est-ce qu'après tout ce scandale-là, ça s'est vendu? Un peu, quand même, un ouais, peu. Ouais. Mais pour les gens qui aiment l'humour un peu corrosif, qui me connaissaient pas, ils m'ont connu avec ce gag-là. Mais moi, c'est ça. En même temps, il y avait des gens qui me défendaient que je voulais pas qu'ils me défendent. Il y avait des gens qui me disaient, moi, hey, c'est vrai qu'elle est laide, mais je dis, non. C'est pas ça le but, là. T'as pas compris. Défends-moi plus. Parle plus de moi. Mets-moi pas dans la merde. Mais là, justement, ça a causé tellement une grosse histoire. T'sais, est-ce qu'on a encore le droit de provoquer au Québec? À l'époque de M. Fournier, il me semble que c'était plus facile d'être méchant, non? Oui. Je trouve que c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a beaucoup de chasse gardée. Il y a beaucoup ouais. de. Il y a le politiquement correct. Là, ouais, la police de la morale ouais, est assez énorme. Aux aguets, je trouve. Mais quoi c'est faire? Non, parce que je ne veux pas revenir sur la blague. Non, non, moi, non, non, non, pas parler. Je suis obligé de dire à ma courte honte que je l'ai ri. Tu comprends? Ben, écoute, t'es pas tout seul là-dessus. T'sais, moi, je l'ai fait 25 fois en non, show, puis ça riait à chaque fois. Tu sais, on dit la police de morale. Mais mettons que tu t'excuses pas, là. Mm-hmm. Qu'est-ce qui arrive? Ouais. Ben en fait, si je m'excuse pas, moi je me. Il n'y aurait pas eu des comités, des pancartes à l'entrée des moi, salles. Moi je me suis pas excusé d'avoir fait ce gag-là. Je me suis excusé à Marie-Hélène. Oui, oui. En personne, que ça y ait fait de la peine. Tu sais, elle a pris ça comme une opinion quand c'était un gag. Puis ouais, là, ouais, elle a commencé à expliquer un gag à quelqu'un. Ouais, ouais. J'aimais mieux dire que je m'excuse de ce que ouais, ça t'a ouais, fait. Je vais l'enlever. Ouais. Mais. Ça aurait pu t'en sacrer. J'aurais pu. Je la garde, je la laisse. Puis, Mais si on revient à la question du polytechnique correct, c'est que. Moi, j'ai l'impression qu'il y a 15-20 ans, tu pouvais faire des blagues sur toutes sortes de choses. Ouais. Maintenant, comme il y a beaucoup de chasses gardées, il y a beaucoup de domaines, beaucoup de choses sur lesquelles tu ne peux plus en faire, tu es réduit beaucoup. Tu sais, les gens disent, des humoristes, c'est juste pipi caca, ils sacquent, etc. Ben oui, mais laissez-leur un peu de champ d'action. Ouais, ouais, c'est que ça, là, le champ se rétrécit. Ouais, ouais, c'est ça. Ben ouais. À un moment donné, c'est ça, t'es Martin et Matt ou t'es rien d'autre. C'est ça l'affaire. D'ailleurs, est-ce que tu vas faire une pub de char bientôt? Non, non, moi, je fais... Mais supposons, là, qu'est-ce que tu conduis en ce moment? Moi, je crois. Non, mais je suppose. Ça va casser mon argument de tantôt que, ouais. que non, je suis pas. Non, dis-le, dis-le. C'est une Lexus. Ah. Ah. Mais ouais. le petit modèle. Ah oui, le petit modèle le à 50 000. Le petit modèle. Le petit modèle à 50 000. Le petit modèle sur lequel tu n'as pas de retour d'impôt. Ah ouais, c'est ça. Mais supposons que Lexus te demande d'être son représentant. Est-ce que tu acceptes? Non, non, moi, c'est pas mon genre d'être porte-parole. D'ailleurs, j'ai fait un gag là-dessus dans le show ouais, qui gratigne un peu Martin Matt. Ouais, mais justement, au pire, tu l'enlèves et t'encaisses. Tu es capable de faire ça. Ça, ouais. Ça c'est rendu c'est un pattern que je pourrais garder. Ouais. Merci des suggestions. Dernier sujet, politique et indépendance. Parce qu'évidemment, pendant les élections, on l'a vu, tu supportais Option nationale. oui. qu'on oublie vite. Hein? Ah ouais. On oublie... C'est vrai qu'on oublie vite quand même. Ça n'a pas beaucoup fonctionné. Est-ce que le... Mais non, mais c'est vrai. Et là, je vois que dans la salle, il y a des gens qui ont la PIN Option Nationale. Je ne savais pas qu'il y en avait fait faire. Est-ce que aux prochaines élections, vous allez être encore, tu vas être encore derrière Jean-Martin Hossan? Ben oui, c'est pas très compromettant, tu sais. Ben c'est sûr, personne n'en parle. Je veux dire, c'est exactement ça. Mais parce que t'es un indépendantiste. Moi, je suis un indépendantiste, puis écoute, Jean-Martin, c'est un ami en même temps. Ouais. Fait que c'est un peu, c'est un peu beaucoup pour ça. Pourquoi que, pas le PQ je... alors? Non, mais c'est vrai, c'est la bonne question. Parce qu'on a veut le... une heure encore. Parce qu'il n'y a pas le goût d'être derrière Pauline Barra. Ouais, mais... On pourrait prendre ça de bien des manières. Ouais. On va faire semblant. On va faire semblant. On n'a pas entendu. On va finir ça là-dessus. Merci, Guillaume, d'être venu. Tu restes avec nous? Oui. Génial. Oui. Fred, présente-nous notre prochain chroniqueur. Comme il traque chaque semaine la médiocrité sur les ondes médiatiques, ses deux oreilles suffisent à peine pour tout embrasser. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Eh bien, Olivier, oui. Quoi de neuf cette semaine? Eh bien, je n'avais pas eu l'occasion la semaine dernière de vous parler de la bourde commise par Pierre Duchesne, qui en entrevue chez Paul Arcand s'est enfargé le « si » dans l'arrêt en disant que si on l'aurait, la réponse, elle aurait été clarifiée depuis 40 ans. Donc, moi, un ministre de l'Éducation qui maîtrise mal le français, là, ça me laisse pantoite. Oui. Heureusement, Carl Monnette de Radio X à Montréal était là pour s'indigner de la chose. Là, quand je l'entends, lui, l'autre bord, hey, moi, si j'aurais fait cette erreur-là, là, la semaine passée, ou encore il y a deux semaines, tout le monde m'aurait repris puis hey, check le gars de Radio Poubelle, comment il parle mal, il est pas capable de s'exprimer. Comment il a dit ça? Moi, si j'aurais fait cette erreur-là, ah ouais, hey, j'ai presque envie de dire hey, check le gars de la Radio Poubelle, comment il parle mal, puis il est pas capable de s'exprimer. Mais je vais me retenir. OK, good. Dans un autre ordre d'idées, avait ouais. lieu en fin de semaine dernière le congrès de la Fédération professionnelle des journalistes oui. du Québec où fut dévoilée une enquête de l'Université Laval sur l'orientation de la couverture médiatique pendant le conflit étudiant. Dominique Morin nous en rapporte les grandes lignes. Ben, la grande ligne, en fait. Le Devoir sauf avait le journal de un parti pris envers les étudiants. Ce qui est vrai, là. Ça a de l'allure d'écrire ça parce que c'est la réalité. Il aurait pu poursuivre en disant que l'étude concluait que tous les autres journaux penchaient plutôt du côté du gouvernement, mais il ne l'a pas fait parce que ça, ce n'est pas la réalité. En tout cas, pas la réalité de Dominique Morin. D'ailleurs, le FPJQ avait organisé une discussion sur le sujet et invité Gabriel Nadeau-Dubois à y participer. Voyons. Ben oui, que faut-il en conclure? Ouais. Donc, il est là en fin de semaine à faire des high-fives aux journalistes qui auront la responsabilité de couvrir son appel, la sentence... et qui auront la responsabilité de faire un petit texte, le fun, ça confirme le parti pris des journalistes voilà. pour les carrés rouges. Bingo. C'est la confirmation claire, nette et précise de ça. C'est aussi la confirmation claire, nette et précise que pour mieux servir une idéologie, anecdotes et spéculations ont souvent préséance sur la recherche universitaire. Mardi était déposé le budget du gouvernement de la CAQ, du PLQ, en tout cas, du PQ, je pense. Même affaire. Un budget que bien des commentateurs détestaient avant de l'avoir vu et détestaient après l'avoir vu. C'est le cas d'Éric Duhaime qui nous a expliqué que le budget avait pour unique but de plaire à la base péquiste, et je vais le paraphraser là, à la base de BS péquiste. 36% du monde au Québec ne paye pas d'impôts. Et comme par hasard, le PQ était élu avec un peu moins... de 32% du vote. Ben. Ah, un plus un. Sans qu'à faire dans la statistique fiction, j'ajouterais que 1% des Montréalais confondent leur toaster avec leur radio et comme par hasard, les parts de marché de l'émission de Duhaime sont d'environ 1%. Ça comme ça. On se rappelle que ce gars-là a été stratège pour l'ADQ quand même et ce ouais. n'est sans doute pas étranger au fait que l'ADQ fait maintenant de la télé plutôt que de la politique. Terminons avec une triste nouvelle. Le lock-out dans la LNH ben oui. n'est toujours pas terminé. Triste nouvelle surtout pour les journalistes sportifs qui sont condamnés à remplir des pages et des pages avec des trucs aussi passionnants que la progression de Louis Leblanc sur le troisième trio du Club École de Canadiens. Une situation qui me fait chaque jour remercier le petit Jésus d'avoir décidé de dissoudre la version radio du Spornographe en juin dernier, mais qui ne plaît pas à certains joueurs comme Roman Amerlich qui est pas mal tanné de perdre du cash. D'ailleurs, comme le rapporte Martin Lemay, vendeur de chars et expert sportif à Radio Énergie, certains extrémistes dans le camp des joueurs n'ont pas apprécié les commentaires d'Amerlich. Et à ça, l'homme de gauche, l'extrême syndicaliste qu'est Eric Cole, a répondu « Si c'est son opinion, ben qu'il reste dans son pays. C'est la chose la plus égoïste que j'ai jamais entendue. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, là, j'ai toujours trouvé qu'Eric Cole est un excellent ailier d'extrême gauche. On s'ennuie des jokes de hockey, hein? Oh oui, oh oui. Merci, Olivier. On en parlait justement, Olivier, aussi. Le dernier budget du gouvernement Marois incluait des hausses d'impôts, mais surtout, surtout des hausses de prix des cigarettes et de l'alcool. Et on rassure tout de suite notre auditoire en studio, la bière va demeurer gratuite. Yeah! Reste que ça nous a inspiré... Mon Dieu que c'est gênant des fois. Hein? Reste que ça nous a inspiré une petite publicité gouvernementale. Le dernier budget du gouvernement québécois est un budget responsable, mais surtout, c'est un budget pour les générations futures. Avec l'annulation de la hausse des frais de scolarité, les étudiants auront plus d'argent pour fumer et boire de l'alcool et ainsi garantir le maintien et la raison d'être de nos programmes sociaux. Et tant qu'à être chaud, aussi bien monter le chauffage, une autre façon pour eux de contribuer au Québec de demain. Grâce à toutes ces mesures, il n'y aura bientôt plus de dettes au Québec et plus de jeunes non plus. Un message conjoint de Cirrose et Emphysème Québec, fiers partenaires du gouvernement québécois. Eh bien, toi, ben. Chose, hein? Ben oui. On va la trouver, Jean-Sébastien. Jean-Sébastien. Jean-Philippe, et oui, il est toujours en direct du salon. Ben oui. Terre, vivre en solo à la place Bonaventure. En terminant, je me suis arrêté au kiosque de Mme Marie-France Archibald, fondatrice de Coach Séduction, une entreprise qui, en substance, est là pour nous apprendre à pogner. Bonjour, Mme Archibald. Oh. Bonjour. Bon, est-ce que la séduction, vraiment, ça s'apprend? Ben, tout à fait, ça s'apprend. Alors, vous êtes une grande professionnelle dans le domaine. Alors, j'aimerais qu'on se prête un petit jeu ensemble. J'ai ici, dans mon iPad, des photos de personnalités publiques. Vous allez les regarder et poser votre diagnostic sur ces gens-là. Alors, vous allez me dire si eux, ils l'ont l'affaire ou si, inversement, vous aurez besoin de petits conseils et si oui, lesquels. Alors, la première photo ici, à Guy Fournier. Est-ce que, selon vous, il a encore un potentiel de séduction ou si c'est pas mal fini? L'âge n'a pas d'importance pour mieux séduire en passant. Sauf que sur la photo de Guy Fournier que vous montrez, il a l'air très crispé au niveau du visage, il est tout tendu au côté des joues. Alors, je dirais qu'il y aurait avantage à beaucoup se détendre pour être plus séduit. Maintenant, une autre photo ici. Ah, c'est toujours un plaisir de la voir. La très jolie chanteuse Marie-Hélène Thibault. Tout à fait du charme, elle est souriante, son sourire est tout à fait radieux, ses yeux sont éclatants, elle est détendue bien dans sa peau, j'ai absolument rien à dire. Bon. Personne qui a rien à dire, elle est magnifique, cette chanteuse-là. Maintenant, une autre photo. Oh, Fred Savard, un gros barbu d'un certain âge. Je dois vous dire qu'étonnamment, il y a beaucoup de femmes qui me parlent de lui, qui me disent « Ah, tu travailles avec Fred Savard, blablabla. Bla, » bla, bla. Est-ce que c'est étonnant? Non, mais Fred, il y a un charme intellectuel. Aha. Je dirais que ça plaît à certaines femmes. Cependant, ça ne plaît pas à toutes les genres de femmes. Non, non, non, non. Il y aurait intérêt à sentir plus son cœur s'il veut séduire cette femme. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous sortiriez avec? C'est une bonne question. Merci. On peut-tu passer une prochaine question? Certainement. Alors, je termine ici avec deux photos. Je vous montre les deux en même temps parce que pour moi, c'est deux pareils. C'est Guillaume Wagner et Jean-Philippe Vautier. Les deux se trouvent beaux, les deux se trouvent drôles, les deux prêtent des regards ténébreux dans les magazines. Qu'est-ce que vous en pensez, deux? Ben, je dirais qu'ils ont le même genre de regard. Le petit sourcil relevé à droite, avec l'air tout à fait. Encore là, ça plaît à un certain type de femme aussi, mais je dirais que ça peut paraître peut-être forcé pour certaines autres personnes. Donc, c'est un type de séduction. Donc, je dirais que ce sont des hommes très beaux, évidemment, mais la beauté, la séduction, c'est pas nécessairement lié. Non. Mais ils ont leur avantage d'être beaux, et en plus, ils jouent la carte de l'homme très. On fait ça. Ah, infiniment, Madame Archibald. Alors, on peut passer tout le week-end pour aller faire un petit tour à votre kiosque. Vous avez un site Internet également? Oui, tout à fait. Donc, les gens peuvent visiter le www.coach.com, coach.com, et il y a 30 % de rabais au kiosque 1-17 pendant le salon Vivre en solo sur les ateliers pour ces femmes. Excellent. Alors, le salon Vivre en solo, ça se poursuit, Jean-Philippe, à la place Bonaventure jusqu'à dimanche prochain. Ben, merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci. Ben content que vous me lâchiez, là. OK, bye. OK, bye-bye. Fred, notre prochaine chroniqueuse. L'insolite de l'actualité est son pain et son beurre et l'entartine épais. Voici la chronique de Léa Strelitzky. Madame, est-ce que vous buvez une bière, même si vous êtes une femme? Ben écoute, on est à un mois de la fin du monde, là. Moi, je dis buvons au travail. Ben allez-y donc, buvons voir. Buvons au travail. Allez-y donc, prenez-en une petite blonde, là. Ah, je suis pas capable de l'ouvrir. Ouais, c'est maudit même. Ah ben, parlez pendant que j'essaie d'ouvrir. Ben, ça, c'est fait. Oui. Donc, les nouvelles insolites aujourd'hui vont comme suit, Jean-Philippe. Allez-y donc, allez-y donc. Aux États-Unis, la semaine dernière, il y a une madame qui a écrasé son mari avec son VUS parce qu'il n'était pas allé voter. Je sais. Hey, je te dis, nous, on s'est battu pour le droit de vote. À cette heure, on n'y est plus avec. Hein, non, non, non, non. Alors, elle l'aurait poursuivi dans un stationnement, tournant autour de lui alors qu'il se cachait derrière un lampadaire, puis l'aurait bloqué sous son 4x4 pour l'empêcher de s'enfuir. Hey, je pense qu'on parle de 728. Je pense que je viens de la retrouver, là. C'est vous? Ben, je reconnais son style. Bon, pour sa défense, la madame a plaidé s'être trompée entre le frein et l'accélérateur. Hey, ça, c'est une femme au volant. Il y a une explication logique, puis vous hésitiez à nous donner le droit de vote, franchement. C'est ça. Bon, parlant de chars et de femmes, dans le Journal de Montréal, il était question d'un garage qui offre un service spécialisé aux dames. Oui. Oui, en gros, chez Garage des Harnais, près de Québec, quand tu viens faire réparer ton auto, il y a une hôtesse habillée en rose qui vient te chercher. Ah. Elle t'amène dans un salon. Ah. Là, tu peux comme te remaquiller, faire tes cheveux, regarder des revues, tout ce qu'on fait pour la domination mondiale. Ben oui, ben oui. Bon, d'habitude, messieurs, je dois dire que je prends pas mes nouvelles dans le Journal de Montréal parce qu'il y a trop de choses insolites dedans. Là, ça me donne autant de défis que quand Jean-Philippe s'essaye sur une petite grosse à la fin d'un party. Ou Guillaume. Oui, mais Guillaume, on va le lâcher un peu avec la crosse de petite grosse. Il est pas très habile. Puis vous, M. Fournier, ben, je vous connais pas assez. Hein? Quoique, il paraît que je suis allée manger chez vous quand j'avais 10 ans avec mes parents, puis c'est même pas une joke. C'est vrai? Ma mère a pas vraiment pris des risques. Ben, je sais, mais... What? Moi, je rebondirai mon cœur là-dessus. Voulez-vous votre bière, Léa? On va avoir deux réunions lundi. Tout ce que j'allais dire, c'est que ma mère a passé tout le repas à me boucher les oreilles. Fait que j'imagine que vous aussi, des jokes. Juste vous dire, là, c'est parce que c'est les audiences du CRTC, je serais bien mal à l'aise qu'on me cite là-bas. Fait que, merci. Puis parlant de jokes douteuses, quant à toi, mon Fred, là, tes jokes du docteur Barrett. Là. Chance que c'est pas une femme. C'est pas mes jokes en passant. Hein? Oui. Mais une chance que le docteur Barrett, c'est pas une femme. Parce que tes jokes de grosse, ça passerait pas. C'est vrai. Nous, mesdames, on est bien trop obligés d'être belles pour que ça soit correct de rire de nous quand on l'est pas. Un jour, peut-être, on nous fichera la paix. Oui. Pour l'instant, remaquillons-nous chez Garage des Harnais. Et en terminant, mesdames et messieurs, parlant de choses louches, je suis désolée de vous apprendre que nous ne pourrons plus nous promener nu dans les rues de San Francisco. Ben oui, j'ai vu ça! Ben non, c'est interdit maintenant. Moi qui me réjouissais tellement à l'idée de me balader à poil dans une grande métropole, Jean-Philippe, une grande métropole de même. Ben oui, mais là, je sais pas quoi vous dire. Ça m'aurait amené à San Francisco. Ben voilà! Ben voilà, Monsieur Fournier. Et là, Monsieur Fournier, il ira plus à San Francisco. Ben non. Aucun intérêt. C'est mais, ça. Non, mais pour vrai, y a-tu du monde qui savait qu'on avait le droit de se promener à poil à San Francisco? Moi, c'est quoi cette histoire-là, là? Voyons. Ben, non, je pensais... Monsieur Fournier le savait. Non, Monsieur Fournier, qu'est-ce qui se passe? Ben je le savais, moi. Je sais bien, mais bon, les années 70, vous avez vu tout ça, vous? Hein? Non, mais moi, je pensais qu'on avait fait le tour de la question. On ne se promène pas tout nu dans la rue, comme on fait plus caca dans des seaux, puis on le jette par la fenêtre, Jean-Philippe. Oui, c'est l'évolution, ça, je pense. L'humanité évolue. C'est dommage, parce qu'il y a des têtes que... qu'on aurait aimé arroser. Je me doutais qu'on allait conclure cette émission là-demain. En tout cas, l'humanité évolue, habituez-vous. Oui, merci c'est beaucoup, Léa. Merci beaucoup, c'est déjà tout pour ce soir. On vous invite à rester à l'écoute dans quelques minutes. C'est le cabaret de Plus on lit. Tout de suite après, c'est Bande à part animée par Alex Courteau. Merci à toute l'équipe, Fred Savard, Olivier Niquette, Marie-Claude Bocage, Julie-Christine Parent, Jean Gagnon et Steve Côté. Un gros merci à nos invités de ce soir. Guy Fournier, on continue à vous lire dans le Journal de Montréal, mais vous arrêtez de nous critiquer. Je vais juste critiquer la semaine prochaine. Bon, parfait, c'est une très bonne idée. Et Guillaume, ben, on te voit partout au Québec avec ta tournée et ton spectacle Cinglant. Et on Cinglant? Cinglant? Ouais, exact. Bonne chance. Et quant à nous, vous n'oubliez pas notre spécial de fin d'année. On enregistre le vendredi 21 décembre. C'est chez Roger. Vous êtes invités. Écrivez-nous si vous voulez assister à l'émission. Et l'émission de la semaine prochaine, on enregistre les jeudis à 17h. Nos invités, Biz et Joseph Facal. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Yeah!